Il fait un froid de canard, je lui sers des trois camés, un chèque en bois, un plafond, et le business n'est pas mort. Je suis comme l'ancien sur le pavé, bicrave la frappe à pavard, les chics me sortent le bavoir, ici les murs sont bavards. On fait de la zika, fume la blue magica, déterre comme un gitan, menace toi ta jipa. On fait de la plata, plus de roupe sur le plateau, je vais peut-être mourir en 4K, maman y'a tout dans le placo. C'est pas la même en vrai, c'est pas la même grand-père, j'ai quand le gun s'enraye, c'est pas le même combat. C'est pas la même en vrai, c'est pas la même grand-père, j'en ai mis ennemi, c'est pas la même rengaine. J'suis plus un petit comme avant, toi tu viens pour mon chalice, mais t'inquiète pas y'a la guitare. J'suis à fond dans la bande, t'adore, il est très très ralentir, mais t'inquiète pas y'a la guitare. J'ai fait ça pour moi, j'ai pas fait ça pour toi, j'ai quitté mon hall, j'ai quitté la zone. J'suis plus un petit comme avant, compte en banque en garantie, pied au plancher, pas de glissade. L'ami s'enfuit quand y'a des bandes sans la solitude m'aidera, j'suis mieux sans eux. Le courage dans les yeux, la force tranquille, gamberge de dingue. C'est des fans ou des ennemis, j'compte plus les fois où j'suis déçu, j'ai même plus de force pour les aimer. Waouh, une seule fois on parle, après on fait. Moi, chante des trois, la guitare sous mon bed. Tout droit comme Paul, tu sais, tout pour mama, toi-même tu sais. J'ai qu'une seule femme, beaucoup d'oseille, si ils parlent mal, j'viens au Audi. C'est pas la même en vrai, c'est pas la même gamberge. Et quand le gun s'enraye, c'est pas le même combat. C'est pas la même en vrai, c'est pas la même gamberge. Un ami ennemi, c'est pas la même rengaine. J'suis plus un petit comme avant, toi tu viens pour mon chalice, mais t'inquiète pas, y'a la guitare. J'suis à fond dans la bande, t'adore, et les traits.